Le message télépathique annoncé par Maitreya sera-t-il entendu dans la conscience de chaque individu, quel que soit son niveau de conscience? Non, pas quel que soit son niveau de conscience. Et le message télépathique annoncé par Maitreya va être entendu sous forme de prise de décision personnelle. Les gens pensent souvent que la télépathie, ça se fait « Allô, allô? Allô, allô? Un, deux, trois? » Vérification. Et puis après ça, on commence. Mais alors que la télépathie, c'est toujours une perception simultanée d'une condition mentale. Donc, je suis télépathe avec un individu lorsque, en même temps que lui, je pense à la même chose que lui. Mais il ne me communique rien. Alors, par exemple, si je veux que dire à quelqu'un « Téléphone-moi », ben alors lui, il aura l'impression que... qu'il va me téléphoner. Alors, il me téléphone, et puis après ça, je peux dire, « Ah, tu vois, je t'ai donné un message télépathique, c'est vrai. » Mais c'est pas « Allô, allô, ici Daniel. » Bon. Alors, l'individu, pour être télépathe, doit être réceptif. C'est-à-dire qu'une télépathie, ça se fait uniquement en condition de réception. En plus, l'individu doit être, donc pour être réceptif, il doit être à un certain niveau de conscientisation. Alors, les peuples, par exemple, qui n'ont absolument aucune connaissance de Maitreya, aucune connaissance du Christ, etc., les peuples, il y a encore quelques peuples autochtones qui sont assez primitifs, eux ne seront pas soumis à la conscience de Maitreya. Et autre chose, les peuples qui, ou les individus qui sont suffisamment non missionnables, non nationalisables, non religiosisables, non sectarisables, qui sont très individuels, qui ont toujours refusé l'idée de suivre un maître, ces individus-là aussi, la majorité d'entre eux n'auront pas ce contact. Par contre, ce qui va arriver, c'est que Maitreya va être extrêmement rusé, c'est qu'il va demander à l'humanité ce que l'humanité veut déjà. Et c'est d'ailleurs, c'est de la politique, c'est évident. Alors, lorsque certains peuples vont vouloir certaines choses, ces peuples-là vont entendre un message, c'est-à-dire qu'ils auront à un moment donné un goût collectif, un goût similaire d'accomplir, de dire, de faire, d'écrire, de lire, de laisser certaines traces en vue d'un certain mouvement. Alors, les musulmans, par exemple, l'islam, ne recevra pas le même message que les catholiques. Mais progressivement, tous les peuples vont se diriger vers une espèce de coalition. Mais ce qui va être extrêmement intéressant, Maitreya va s'arranger pour que les peuples se dirigent vers la paix, pour que les peuples se dirigent vers la dilution des mécaniques des frontières, du racisme psychologique. Malgré que Maitreya soit un personnage qui va nuire énormément à la descente de l'énergie supramentale, on pourrait dire à la venue du Christ, c'est un personnage qui va s'arranger pour augmenter le potentiel de paix à l'échelle de la planète de façon à manipuler, allier ensemble un plus grand nombre d'individus contre un ennemi commun. Alors Maitreya, en tant que maître du monde, c'est surtout ce genre de travail qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va s'arranger pour forcer l'alliance des humanités contre un seul ennemi. Et cet ennemi, qui sera, bibliquement, on parle du Christ. Donc, qui sera la conscience supramentale, qui sera l'intelligence, qui fait en sorte que l'humain, non seulement se trouve libéré du monde de la mort, donc du processus d'incarnation-réincarnation, déjà là, tout le phénomène bouddhique va trouver son compte. L'intelligence fait en sorte que les individus finissent par se dissocier des traditions, donc ne peuvent plus servir et nourrir les égrégores. Donc, ils ne peuvent plus nourrir non plus des dieux dans le ciel créés à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et cela va amener à l'humain une vision qui va nécessairement obliger chaque individu en contact avec l'intelligence supramentale à ne plus être nécessiteux d'un maître. Et nécessairement, les maîtres du monde, eux, ont besoin de fidèles qui vont continuer à les servir de façon à ce qu'eux puissent se bâtir une base d'énergie pour s'en servir comme lanceur, pour pouvoir échapper à la centricité planétaire. Donc, le Maitreya en question va s'arranger pour que la majorité des êtres humains s'unissent ensemble de façon à lutter contre une mécanique extraterrestre qu'on appelle l'intelligence supramentale, qu'on appelle aussi le phénomène christique, c'est la même chose. Puis Saint-Germain laisse faire ça, lui. Saint-Germain, il ne laisse pas faire ça. Saint-Germain est en train d'être dissous, il va résorber son faisceau progressivement, donc prochainement, c'est que Lazare, donc le comte de Saint-Germain, finalement, va se retirer totalement et il va laisser entre les mains de Maitreya probablement la majorité de toute la condition évolutive planétaire. Mais le bien, le mal, normalement, tu avais dit... Maitreya va s'en aller vers le bien. Normalement, quand Saint-Germain partira, il n'y aura ni bien ni mal. Exact. Maitreya va s'en aller vers le bien, dans le bien d'un bien qui contiendra le mal, évidemment. Et progressivement, lorsque l'intelligence supramentale va venir instaurer ce que les ésotéristes appellent le grand monarque, alors là, c'est là que tu auras ta neutralité. Donc, après le départ de Lazare. Mm-hmm. Mais il y aura Maitreya qui va s'amuser un peu en attendant. D'accord. Quand cela arrivera-t-il? Demain. Mais pas demain tout de suite, mais prochainement, ça s'en vient. Si on veut parler d'années, vous savez que les historiens se trompent toujours. Alors, dans les livres d'histoire, lorsqu'on regarde, on parle de... Autour de l'an 2023, la mécanique de Maitreya est à peu près bouclée. Quand on parle d'intervention humaine supramentale, donc d'intervention humaine christique, la majorité de ce qu'on considère comme chevalerie planétaire va avoir accompli ce qu'elle aura accompli. Et à partir donc de l'an 2023, après, selon les livres d'histoire, évidemment, mm-hmm. les historiens ne s'entendent toujours pas plus dans l'avenir, alors la mécanique est totalement accomplie. C'est-à-dire que dans les années fin 90, les conflits matériels devraient être à leur comble, conflits militaires armés ou autre chose. Il devrait y avoir des conflits dans le monde de la mort, il devrait y avoir résorption d'une grande partie du monde astral dans les années 2000-2003-2010, c'est-à-dire un peu comme Jean de Patmos l'avait prévu, là où l'humain voudra se donner la mort, il ne pourra pas trouver la mort, parce que le monde de la mort sera digéré par l'humain qui sera vivant. Et à partir de 2023, normalement, autour de ces années-là, mais c'est prochainement. Là, tu dis, à la fin des années 90, les conflits militaires vont être à leur maximum. Mais tu as dit que Maitreya va s'arranger pour qu'il y ait la paix. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Non. Il va faire la guerre d'abord et la paix ensuite? Non. Maitreya va amener les humains à faire la paix. Ouais, il va les amener à faire la paix. Mm-hmm. D'accord. Quel est le pourcentage de ceux qui ne tomberont pas dans le piège? Bon, en ce qui me concerne, moi, ce n'est pas important. L'important est de savoir si moi... ou si toi, plutôt que de savoir le pourcentage. Nécessairement, il faut comprendre une chose, c'est que toute l'humanité, de toute façon, va s'en sortir à cause des processus de réincarnation fusionnelle, c'est-à-dire que les individus se réincarnent de toute façon fusionnés dans le monde de la mort, dans les mêmes corps à un moment donné. Quand Jean de Patmos parle de 144 853 élus, il parle de 144 853 corps physiques qui vont avoir en réincarnation toutes les humanités du passé. Et il n'y a pas de problème là. Si on parle de pourcentage d'individus, en termes de pourcentage d'ego, c'est 0%. Il n'y a aucun ego qui va traverser. Bon. Donc, c'est des êtres humains qui seront anégoïques. On dirait humbles, mais l'humilité, c'est très coloré par l'émotivité. Moi, je préfère mettre un terme précis, qui n'auront pas d'ego, donc anégoïques. Ce sont des êtres humains qui vivront d'une anémotivisation, donc qui ne seront pas émotifs, mais qui seront capables de sentiments. L'émotion, c'est le sentiment qui est mémorisé, qui est digéré. Alors que le sentiment est beaucoup plus spontané et instantané. C'est d'ailleurs le sentiment qui nous permet, quand on est jeune, de découvrir les choses, alors que l'émotion nous permet de regretter le bon vieux temps, donc de nostalgiser ou d'espérer. Et l'être humain qui va passer est un être humain qui aura un contact suffisamment puissant avec son esprit, donc avec l'intelligence supramentale, avec l'Esprit Saint, selon l'antique religion. Et le pourcentage, ce n'est pas important, le pourcentage. On n'a pas besoin d'un pourcentage. Surtout qu'on doit comprendre, par exemple, c'est comme on envoie 10 000 bombes dans une ville et la ville réplique avec une seule bombe. Ah, ben, ça, t'attends. Ouais, ben, 10 000 bombes au napalm contre une seule bombe thermonucléaire. Alors, ce n'est pas la quantité ou le pourcentage. Quand l'intelligence supramentale descend à travers un être humain vaut énormément de pourcentage. Robert Fontaine est-il le Maitreya? Non, ce n'est pas Maitreya. Quel est le rapport entre la Svatiska de Raël, les maîtres du monde et les extraterrestres? Bon, Raël, sa croix gammée est la croix gammée du Troisième Reich. Elle est dans un symbole qui est le triangle à l'endroit, l'idée. Sur le triangle à l'envers, l'idée négative, le sceau de Salomon, la réflexion. Idée positive sur idée négative veut dire réflexion, chiffre 6. Et elle est dans un cercle qui veut dire 1, mais 1 à une octave plus haut, c'est la perfection, c'est la seule forme qui n'a pas de commencement et de fin. Perfection dans la réflexion pour la destruction par les quatre éléments. Ça, on définit le symbole. Maintenant, il parle des Elohim. Les Éloïens sont un contexte galactique qui a comme fonction de transposer des génétiques évoluées d'une planète à une autre. Les Éloïens sont ceux qui vont instaurer ce qu'on peut appeler un ver primordial. Ils vont instaurer vitalement ce qui va engendrer toutes les espèces de vie planétaire, et ça à l'époque de la Terre blanche, qui est le bouclier canadien. Donc, les Éloïens reviennent régulièrement. Ils sont encore un peu présents présentement. Ils ramassent des génétiques humaines pour pouvoir les replanter dans d'autres contextes planétaires. Au cas où l'humanité échoue, on va recréer les corps physiques pour plus facilement permettre la restructuration d'une arme et finalement d'un contexte mental pour ramener l'intelligence prémentale quelque part. Sauf que dans toute la mécanique de Raël, eh bien, il y a des choses intéressantes, des choses... les Éloïens ne peuvent pas mentir, l'humain peut colorer. Est-ce qu'ils ont des rapports avec les maîtres du monde, les Éloïens? Les Éloïens, non, maîtres galactiques, un peu comme les intraterrestres, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'accomplir une mécanique. Les Éloïens eux-mêmes sont des êtres qui ne se reproduisent pas, mais à un moment donné, ils vont permettre à des êtres qui se reproduisent, qui sont connus ésotériquement sous le nom de la race adamique, une race luciférienne, en Lémurie, de se mixer avec l'humain pour engendrer la race humaine avec de l'âme. Et quand on parle de la découverte, finalement, de la sexualité au niveau de la Bible, on parle de connaître aussi, évidemment, parce que la connaissance... un tel connu, un tel, et il a 3 enfants. T'sais, moi, quand je connais quelqu'un, il n'a pas d'enfant, mais dans le langage biblique, pourquoi la connaissance? Pour la simple raison qu'à l'époque de la Lémurie, l'énergie vitale qui permettait à l'humain hermaphrodite à l'époque, donc il y avait les deux sexes, de se reproduire, a été scindée en deux. Une partie a monté vers la colonne vertébrale, sur la colonne vertébrale, vers le centre laryngé pour développer la parole, l'autre vers le cerveau pour développer un cerveau capable d'avoir un contact avec des mécaniques qui lui permettraient d'avoir des choses à expliquer pour créer la pensée, donc créer l'âme. Et nécessairement, lorsque les individus se connaissaient, ils avaient un échange d'énergie vitale qui était extrêmement intéressant et normalement, ça permettait une évolution au niveau de la connaissance, ce qui a été repris par le tantrisme pendant longtemps. Alors, quand on parle, si on revient à la Svatiska et les maîtres du monde et Raël, Raël, c'est une mécanique qui est proche de la réalité, mais qui fait partie encore du mensonge cosmique. Et sa Svatiska, enfin le symbole lui-même de Raël, quand on pose à des Raéliens, on leur demande que symbolise le truc, symbolise un monde nouveau, symbolise la paix, symbolise... Ça ne symbolise pas ça. On ne prend pas un symbole traditionnel pour décider que ça symbolise d'autres choses. C'est très clair ce que ça symbolise. Et leur mécanique est intéressante, c'est-à-dire que du point de vue de l'humain, il faut nécessairement amener à l'homme ce que l'homme a besoin pour apprendre. Donc, la génétique, le mouvement raélien devrait attirer normalement des êtres humains suffisamment mentaux. On parle de la géniocratie, donc on parle du mental au pouvoir et non pas de l'intelligence. Je fais nuance entre intellectuance, qui est de l'intelligence assujettie aux mémoires, et l'intelligence, qui est de l'intelligence spontanée, instantanée, qui nous amène des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Et on le sait quand on le dit. Alors, ils vont donc attirer des gens, surtout qui ont une capacité mentale, le mental étant la seule condition qui puisse entrer en contact avec les plans supramentaux. Mais l'être humain, même l'être humain le plus évolué, de la race la plus nouvelle que vous voudrez, si un enfant vient au monde, il n'est pas en contact avec son esprit. Il est peut-être mental et il devra, dans sa jeunesse ou dans son âge adulte, développer le contact avec son esprit, donc avec l'intelligence supramentale, l'énergie christique. Alors, les Éloïens ne veulent pas, n'ont pas intérêt à prendre la génétique d'un individu qui est suffisamment conscientisé. Ils vont prendre la génétique d'individus qui ont une forme de conscientisation très avancée, qui est celle du mental, entre autres, qui est extraordinairement bonne, qui a ses lacunes et ses problèmes, mais qui est extrêmement intéressante, d'ailleurs essentielle pour arriver à un contact supramental. Et ils vont prendre ces génétiques-là pour les transposer ailleurs. Quand ils disent aux êtres humains, si vous mourrez, eh bien, on va recréer votre corps dans une autre planète, vous allez continuer à vivre. C'est vrai, sauf que vous ne serez pas dans le corps. L'homme à la lanterne voit-il les couleurs dans leur mouvement, dans leur mouvance? Je ne sais pas qui c'est l'homme à la lanterne. Il y a plusieurs hommes à lanterne. Mais le plus connu ne voit pas les couleurs. Le plus connu est un sage. Le plus connu voit de la mémoire. Qui était l'homme à la lanterne? Il y en a plusieurs. Le plus connu? Non, mais qui était-il? Le plus connu, qui il était? Le plus connu. Ben, il y en a plusieurs. Alors, qui ils étaient? Qui était-il? Ah oui, qui était-il? Avec un S. Oui. La majorité des... Ésotériquement, il y a un terme le terme lui-même, le terme le plus précis, c'est ce qu'on appellera l'ermite. Éclaire ma lanterne. Justement, l'ermite au Québec. Ah bon, ben, toi... Peut-il vivre la lumière? Elle la transmet dans l'art de la peinture. Bon, tu me passes le papier, oui. Christian m'a l'écrit, alors on va au moins le lire avec le papier. Donc, le plus connu, je parlais de l'ermite, il ne voit pas les couleurs, il est un sage. Il aura la capacité astrale d'exprimer dans la couleur ou dans la peinture certaines choses. Mais quand on parle d'ermite, on parle encore d'un individu capable de se servir de l'expérience de l'humanité pour avancer les choses. Donc, il est en contact. Normalement, c'est un voyant, c'est un médium, une personne qui est clairvoyant ou clairaudient, une personne qui est sensible, qui a la capacité de se servir de mécanique astrale pour l'exprimer d'une certaine façon, qui lui convient et qui nourrit la personne. Dans la conscientisation, tous les ermites vont finir par rester ermites, mais ils vont être capables d'être des ermites en clan. C'est-à-dire que normalement, on va prendre un autre terme. L'ermite, c'est un sauvage. Alors, socialement, c'est un maudit sauvage. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y aura de plus en plus des maudits sauvages qui vont être en gang puis qui vont bien s'entendre. Et là, tu vas dire, regarde, ils ne sont pas sauvages, ils sont 25. Approche-toi d'eux autres pour voir, tu vas voir, c'est 25 sauvages. Alors, ils resteront individuels. Donc, l'ermite aura, progressivement, il va finir par, non seulement il sera capable d'exprimer des mécaniques par la peinture, dans l'art, par la couleur, il va surtout être capable de pondre une nouvelle forme d'esthétisme. Et j'ai déjà expliqué dans une conférence sur l'importance de l'onde de forme et les dangers de l'onde de forme, l'importance de l'esthétisme. Les couleurs, la peinture, ces choses-là, ça va de plus en plus faire partie d'une grande forme d'expression d'énergie. Autrement dit, on aura des peintures qui ne diront peut-être pas grand-chose, mais qui vont nous nourrir quand on va les regarder au niveau de l'énergie vitale. Mais de toute façon, l'ermite, donc l'homme à la lanterne, devra à un moment donné finir par être capable de laisser tomber sa lanterne pour être lui-même un phare. J'ai toujours été distraite. Je le deviens de plus en plus. Y a-t-il une différence entre la distraction due à un manque de concentration et celle faisant partie du processus d'anégoïsation? Dois-je travailler ma concentration ou simplement constater? Bon. Pendant longtemps, l'humanité a dû développer sa concentration. Il devait être concentratif. Pourquoi? Parce qu'il avait psychologiquement trop de contact avec le monde de la mort, avec le monde astral. Il était totalement, continuellement en train de rêver. Donc, il n'arrivait pas à être suffisamment terrestrifié, ce qui interdisait l'évolution de l'intellect, interdisait aussi l'évolution technologique de la matière qui devait supporter l'intellect. Si on regarde, par exemple, un axiome PMC, un axiome relié au programme être contrôleur, on dit que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, ne doit pas se concentrer. Pourquoi? Parce que la concentration, c'est d'être attentif sur une chose. Il doit être attentif. Et l'attention, c'est être concentré sur tout. Il y a donc une nouvelle phase, à un moment donné, dans laquelle l'être humain, dans son évolution, va se retrouver une phase où il ne sera effectivement plus capable de concentration, de moins en moins, mais c'est ainsi correct. La concentration permet de développer l'intellectuance, permet de développer la mémoire, permet de graver dans la mémoire, d'impressionner la mémoire. Alors que plus l'humain va se diriger vers l'intelligence supramentale, vers l'esprit, plus l'humain va se diriger vers la spontanéité. Et la spontanéité déteste la concentration, parce que quand l'humain est concentré, l'humain se brime une spontanéité. Alors que si l'humain est attentif, donc si l'humain est concentré sur tout, l'humain est attentif, l'humain ne se brime pas la spontanéité. Qu'est-ce que l'attention? Alors, on va se promener dans la forêt et vous êtes seul, vous marchez en sentant votre corps physique, vous êtes totalement magnifique, vous êtes conscient que vous êtes vivant. Il y a plein de choses autour de vous, des odeurs, des bruits, des formes. Après une heure de marche, on vous demande, puis qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, puis vous répondez, je ne sais pas. Alors, vous étiez probablement vivant. Mais l'humain régulier va peut-être penser que, voyons donc, t'es bien perdu, t'es-tu mort? Non. Pourquoi? Parce que si on est attentif, ce qui va s'arriver, c'est que chaque fois qu'on va entendre, sentir, percevoir des choses, ça va passer chez nous. On va probablement se nourrir instantanément de l'énergie que ça amène, donc de l'information que ça amène, mais on ne s'attardera pas mémoriellement à la chose, on va continuer pour bénéficier sans arrêt, aussi spontanément, de tout ce qui arrive. Maintenant, dans l'évolution, on doit développer une technique qui est ce qu'on peut appeler, disons, l'évolution d'une mémoire d'intervention. Il y a une problématique dans l'évolution. D'ailleurs, dans chacune des évolutions, pour gagner un plan supérieur, souvent, on doit perdre des qualités des plans inférieurs, ce qui va nuire. Alors, lorsque l'être humain devient suffisamment mental, il y a le danger de la mentalisation, mais lorsqu'il devient un peu centré dans son intelligence, donc il devient relié à lui-même un peu plus, il a la capacité de paradisiation, il a la capacité d'être bien. ce qui est interdit à l'humain de l'air du poisson et ceux qui sont avant. Ils ne peuvent pas être bien. Je ne parle pas d'être bien temporairement, je parle d'être bien totalement. Alors, le corps physique est paradisié, le corps vital est paradisié, le corps astral est paradisié, le corps mental l'est aussi. Pas de peur, pas de stress, rien. Pas de désir, pas de questions, pas de réponses, rien. Pas de vide. Une plénitude, on ne le sait pas, on s'en fout, on est bien. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si dans la même forêt, un loup vous attaque, vous allez vous faire tuer. Parce que l'intelligence supramentale n'est pas encore suffisamment en contrôle du mental, qui lui n'est pas encore suffisamment le maître, contrôleur dans le corps physique. Elle ne sera pas capable de bouger votre corps physique pour vous défendre. Donc, immédiatement, l'ego doit revenir, l'astral doit revenir, la paradisation doit cesser pour que lui vous prenne en main. La personne qui n'est plus concentrative aura peut-être de la difficulté à se sortir d'une situation comme celle-là, mais on peut parler de n'importe quelle situation sociale. La personne attentive, elle va marcher dans le bois sans problème. Elle va décoder tout ce qui se passe au niveau de son corps vital comme au niveau de ses sens physiques. Et les mémoires d'intervention vont faire quoi? Vont faire qu'à un moment donné, quand le loup va vouloir approcher, il y a quelque chose qui va juste ramener l'individu et va, ça va la terrestrifier un peu. Donc, elle va cesser de s'alimenter de l'événement pour commencer à être attentive à un événement particulier. C'est un contact supramental, donc elle est instantanément au courant de ce qui se passe. Alors, elle ne peut pas anticiper la peur, elle ne peut pas se demander, voyons, qu'est-ce qui arrive, et ne pas pouvoir interpréter, donc ne pas comprendre. Et si le loup se pointe devant elle pour attaquer, la personne saura instantanément ce qu'il faut faire. Et si elle est dans cet état-là, le loup n'attaquera même pas. Il ne pourra pas attaquer. Il est trop faible psychologiquement pour attaquer un humain de cette envergure-là. Alors, la personne, donc, à un moment donné, le processus de négoïsation fait qu'effectivement, on perd la concentration. Mais en même temps, on perd de l'efficacité sociale, on perd de l'efficacité dans plusieurs choses. Alors, on doit développer une mémoire d'intervention qui va faire en sorte que dans certaines situations, même si on est attentif, une mémoire va venir régir ce que l'on fait pour nous conserver efficaces. La personne, donc on pourra en parler longtemps de l'attention. J'ai fait une conférence à un moment donné sur l'attention. Je ne me rappelle pas du titre, on pourra à un moment donné fouiller sur la liste des conférences qui sont faites si on veut plus d'informations. Quelles sont les lois d'énergie du mental supérieur afin que l'homme puisse devenir un récepteur parfait de sa propre lumière? Bon, la première loi du mental supérieur, c'est que l'énergie du mental supérieur, supramental, c'est la même chose, l'énergie supramentale, lorsqu'elle descend, elle se refroidit et s'ajuste au niveau de celui qui la reçoit. Première loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le mental supérieur ou l'énergie du mental supérieur descend, pour parler à un chien, l'énergie aboie. Donc, cette énergie-là n'a pas la capacité de forcer un humain à évoluer. Elle ne devient pas un maître manipulateur de l'humain comme on le conçoit souvent. L'humain doit donc grimper. Et quand l'humain arrive à un certain niveau, il arrête l'énergie du mental supérieur à un niveau supérieur et il commence à en bénéficier. Pour que l'humain puisse avoir accès à l'énergie du mental supérieur, il doit avoir un mental. Pour avoir un mental, il doit normalement, planétairement, avoir souffert. C'est idiot, mais c'est comme ça. La souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il aura dû avoir de l'ego, avoir une âme, avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs, et tout au long de sa vie, se faire fermer ses désirs, donc souffrir émotivement, dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures. Et cela engendre le mental, l'intellect premièrement, qui est le mental assujetti à l'astral, à l'ego, et progressivement le mental finit par se dissocier de l'ego. Et là, il y a une crise un peu dans l'individu entre ce qu'il veut faire, entre ce qu'il doit faire, etc. Et à un moment donné, le mental supérieur va commencer à rejoindre l'individu. Mais toutes les lois, il y en a plusieurs. L'individu devra accepter la négoïsation, le mental supérieur devra descendre pour remplacer l'ego. Cela va faire une âme, va faire que l'âme va devenir translucide, pure. Et l'individu doit comprendre qu'à un moment donné, dans ce contact avec le mental supérieur, il va être amené à une transition. Une transition entre ce que j'appelle l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant nouveau. Une transition où il devra abandonner les lois pycéennes pour accepter de vivre avec les lois nouvelles, les lois aquariennes, les lois de l'homme nouveau. Et s'il ne le fait pas, il va se retrouver rejeté par l'air du poisson et rejeté par l'air nouvelle. Ce qui, normalement, engendre des MTS, les martyrs de la transition supramentale. Bon, maintenant, le martyr de la transition supramentale ne reste pas martyr toute sa vie. Mais plusieurs vont le rester longtemps. Alors, il y a plusieurs lois, on en parle régulièrement au niveau des conférences. une égoïsation, transparence au niveau de l'ego, prendre son corps et bouger, puis quand on a de la conscience, s'en servir et cesser d'avoir peur. Normalement, quand on a de la conscience, qu'on se développe, normalement, les individus autour de nous commencent à ne pas nous comprendre. L'astral extérieur va vouloir récupérer nos amis ou notre famille contre nous pour nous occuper, nous empêcher d'avancer. Et normalement, on doit, si on est suffisamment solide, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on va finir par continuer à avancer. Mais c'est préférable de s'arranger pour ne pas trop souffrir de cela, puis se détacher un peu. Le Nazaréen avait dit à un moment donné que quelqu'un qui aime encore sa famille ne pourra jamais pouvoir me suivre. Ça ne veut pas dire qu'on doit haïr notre famille, mais l'idée simplement à l'époque, évidemment, il faut transposer un peu, mais effectivement, quelqu'un qui veut s'approcher d'une conscience christique, donc une conscience d'intelligence supramentale, une conscience instantanée, nécessairement, il sera rejeté par tout ce qui est mémoriel. Et il y a des couples qui évoluent très harmonieusement ensemble vers la conscience supramentale, et par contre, la majorité de ceux qui ne sont pas en couple font tout pour être en couple. Et pour une couple, c'est pas le temps. Dans L'homme qui devint Dieu, le Nazaréen est décrit comme ayant très tôt un langage ajusté. Ainsi, quand au temple, un prêtre lui demande « Voudrais-tu qu'un prêtre suive chaque juif ?» Il répond « Non, plutôt un prêtre dans chaque juif. » Par contre, il ignore qui il est, le Messie, le Christ, et trouve que le Dieu des Juifs est étrange. Il cherche chez les Esséniens et interroge tous les sages. Comment peut-on ignorer qui on est si on est comme le Nazaréen, le Christ? C'est très facile. Si lui l'a fait, ça ne doit pas être dur. Bon. On doit comprendre plusieurs choses. Dans le phénomène Jésus, il y a l'enfant Jésus, il y a un égo Jésus, très beau, très pur. Il y a une intelligence supramentale qui est un phénomène énergétique christique d'ordre michaélien, bon, pour sauter des détails, qui descend et qui vient ramasser la génétique, le corps physique le plus adéquat pour le recevoir sur le plan planétaire de l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Et il descend à l'intérieur et pendant un laps de temps, il va devoir marchander avec Jésus pour emprunter son corps. Il va lui remettre plus tard, qu'il lui dit. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus, en se réveillant sur la croix, il dit justement, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est l'enfant qui parle. Alors, lorsque on réchauffe par la parole l'être humain qui est en conscientisation, d'où l'importance de parler entre êtres humains qui se conscientisent, à un moment donné, on réchauffe suffisamment que Jésus devient christique. Ce qu'il va dire est convenable. À travers cela, lorsqu'on lui pose d'autres questions plus près de lui, ou lorsque le Jésus lui-même essaie d'absorber l'énergie de l'intelligence supramentale, de l'énergie christique ou du Christ, donc ce n'est pas encore Jésus-Christ, c'est Jésus, et lorsqu'il essaie d'absorber cela, il voit plus que tout le monde, mais il n'est pas capable de digérer dans son âme les réponses du plan supramental parce qu'il ne les a pas parlé. On ne lui a pas posé la question, il se les pose. Donc, s'il aurait appris à parler, il se serait lui-même enseigné. Ce qu'il va faire plus tard, surtout lorsqu'il aura des disciples. Avec les disciples, c'était des personnes... en tout cas, alors ça posait plein de questions. Sans arrêt, ça l'empêchait même de dormir. Alors là, il a appris beaucoup. Il a appris, entre autres, à aller faire taire un peu. Et donc, il posera cette question-là, il ira voir les Esséniens, il ira voir plusieurs personnes, effectivement. Il ira même faire un voyage à un moment donné aux Indes. Et par la parole, il va lui-même finir par apprendre des choses neuves qui vont être souvent en contradiction avec la tradition. Une contradiction qui va ajuster la tradition. Et il va donc finir par devenir lui-même ce qu'il appellera, lui, le Nazaréen. Donc, de la secte nazaréenne, parce que Nazareth n'existait pas à l'époque. C'est une ville qu'on a baptisée comme ça plusieurs centaines d'années après le passage du Nazaréen. Et la Bible parlera de Jésus, parlera de Jésus-Christ et parlera du Christ par la suite, une fois que Jésus-Christ est parti sur la croix, lorsque l'humain a été séparé du divin, mais enfin du Christ, du phénomène supramental. Alors, c'est pourquoi il ne le savait pas. Il était encore enfant. Qu'est-ce qu'il est allé faire aux Indes, à part voyager? Il est allé manger du blé d'Inde. Il est allé s'instruire, il est allé à Rome, il est allé aux Indes, surtout pour aller lire des livres qui avaient été laissés là par les mécaniques bouddhiques. Il a rencontré des sages, des maîtres, des gourous. Il s'est amusé un petit peu de son adolescence, aller jusqu'à l'âge où il est revenu en Judée pour commencer à parler. Si les maîtres du monde manipulent les humains par l'émotivité, comment Lazare manipule-t-il les maîtres du monde? Lazare manipule les maîtres du monde uniquement par l'énergie vitale. C'est-à-dire que les maîtres du monde, s'ils ont besoin de l'humain, ils ont besoin d'énergie. Et Lazare a la capacité de leur donner de l'énergie, donc de leur donner des humains, ou de leur ôter des humains. La mécanique serait relativement longue à expliquer parce qu'il faudrait qu'on définisse la physiologie, la physiognomie d'un maître du monde. Et c'est une question qui aurait plus trait à répondre en séminaire où on pourrait passer du temps, mais là, comme cela, sachons juste que Lazare les tient par l'énergie vitale. Les maîtres ont besoin d'énergie, ils ont besoin de l'humain, puis Lazare dirige simplement l'énergie vitale planétaire ainsi qu'une grande partie du mental humain. Autrement dit, ici, Lazare pourrait facilement faire en sorte que la majorité des humains se mentalisent rapidement. Donc, il n'y a plus une seule religion sur la planète qui pourra tenir. Sauf que l'humain mentalisé de cette façon-là est un humain qui sera extrêmement violent. C'est un humain dangereux. C'est un humain qui ne pourra pas être limité dans son mental par son amour psychologique parce qu'il n'en aurait plus. Et c'est un humain qui n'aurait pas suffisamment développé son ajusteur de pensée par la crise interne, l'écœurement de l'écœurement, pour avoir accès à de l'intelligence supramentale qui pourrait, à un moment donné, amener de l'intelligence qui a du cœur dans son mental. Donc, ça pourrait facilement se faire, mais les maîtres du monde n'ont pas le choix énergétiquement. Donc, ils exécutent. Okay. Évidemment, il y a des promesses. Lazare aussi est un politicien. Pourquoi les maîtres du monde ne se réincarnent-ils pas tout simplement de façon unitaire dans des corps mutables, mais qu'ils possèdent? Pour la simple raison qu'il n'y a pas encore de corps physique suffisamment solide pour recevoir l'énergie de ce qu'on appelle les maîtres du monde, donc ils ne peuvent pas se réincarner là-dedans. Et en plus, dans la majorité des cas, les corps physiques sont toujours des nuisances à l'évolution. Alors que, faut faire attention, les maîtres du monde sont des phénomènes lucifériens très avancés. Ils n'ont pas comme idée d'accomplir leur rôle planétaire, un rôle sur lequel on va revenir la semaine prochaine. Ils ont surtout comme idée de sacrer leur camp. Alors, revenir dans des corps physiques, ce serait nécessairement se terrestrifier, donc participer au rôle planétaire, ils perdraient encore une fois beaucoup de ce qu'ils sont déjà. Ils ont des corps de lumière, ils sont capables de manipuler des corps de chair de temps en temps, mais revenir là-dedans, il n'y a pas de corps présentement qui ont une génétique suffisamment forte pour les ramasser, ça va venir. Mais en plus, s'ils rentrent dans un corps physique suffisamment, génétiquement suffisamment solide pour manipuler, pour recevoir les maîtres du monde, probablement que ce qui va déjà habiter le corps physique va être capable de manipuler un maître du monde. Le mouvement des Templiers est-il celui qui amènera Maitreya? Non, l'ordre du temple. L'ordre du temple aura beaucoup plus de. C'est ésotériquement, mais c'est très minime quand même comme travail ce que l'ordre du temple va faire. Il va surtout travailler au niveau de ce que sera le Québec en termes de race future. Quand je parle du Québec, je parle toujours du bouclier canadien, évidemment, je parle du Québec ésotérique, donc pas uniquement du Québec politique, quoique une grande partie de toute la structure est basée sur le Québec politique. Mais les Templiers sont ceux qui vont ils vont réveiller le Québec. Et comment on dit qu'ils vont réveiller le Québec? Premièrement, la majorité du trésor des Templiers a été caché sur le mont Chic-Choc en Gaspésie. La montagne Chic-Choc est une montagne ésotérique extrêmement intéressante parce que la surface du plateau du Mont Albert, entre autres, est un fond marin océanique. Et plus on creuse, quand on creuse pour voir de qu'est-ce qu'il y a sous la surface, on découvre que plus on creuse, plus on s'approche du sommet d'une montagne. Donc la montagne est à l'envers. C'est comme si on avait coupé la montagne et qu'on l'avait renversée. Et cette montagne, c'est en Gaspésie, au nord un peu de Saint-Anne-des-Monts, donc c'est très proche d'ici. Les Templiers ont été là. Ils ont laissé des traces, ils ont laissé des noms, Table de Moïse, Rivière du Diable, Porte de l'Enfer, Chute de l'Enfer, Lac du Diable, etc. Et qui mène à la rivière, au lac Notre-Dame, qui était la mère des Templiers, sauf que les Templiers adoraient Jean le Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, Québec, bon, bref, on peut s'amuser un peu. Mais effectivement, leur trésor est placé quelque part là. Et les Templiers vont donc surtout travailler, ésotériquement, ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils ont légué dans l'énergie, va surtout aider le Québec, plutôt que Maitreya. L'homme est manipulé dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de toutes les nuits. Toutes les nuits. Dû à une mécanique. Y a-t-il un rapport entre cette mécanique et Lazare, maître du monde? Ah oui, total. C'est pourquoi seul l'humain qui arrive à un contact supramental peut se dissocier de la mécanique lazarienne. Et là, il va commencer à avoir une liberté dans sa conscience que l'humain n'a pas actuellement. L'humain est collectif, l'humain s'habille à la mode collective, il mange selon les modes, il est végétarien par mode, il est, etc. Alors, il y a des exceptions, on parle de la masse. Alors, ça, c'est, oui, Lazare est totalement impliqué là-dedans. Lazare est-il le concepteur et le gestionnaire de cette mécanique, tant au niveau des masses qu'au niveau de la personne? Non. Lazare a reçu des mains du Nazaréen la capacité de diriger cette mécanique-là qui a été implantée par des mécaniques jéhoviques. Quand on parle de Jéhovah, on parle de celui qui implante la loi. Quand on parle de Yahvé, on parle de celui qui implantera l'émotivité ou l'amour ou l'affection. Quand on parle des Elohim, c'est ceux qui vont implanter la mécanique biologique, capable de recevoir le reste. Alors, la mécanique jéhovique est celle qui a implanté la loi. Jéhovah a toujours été reconnu comme un dieu assez drastique, avec des lois. Et il est celui qui sera souvent... il est la base de plusieurs religions très, martiales aujourd'hui, et d'autres religions aussi, qui vont faire en sorte, par exemple, qu'un être humain... C'est préférable qu'un être humain meure plutôt que de recevoir du sang d'un autre, vu que c'est la loi. Et du côté jéhovique, une loi est faite pour être exécutée. Du côté yahvique, la loi est faite pour supporter l'humain tant que l'humain n'est pas capable de transcender la loi. Et quand le Nazaréen arrive, il parlera encore plus dans ce sens-là pour faire en sorte que finalement, il dira même à l'humain que l'humain pourra faire comme lui, même plus que lui. Alors, quand on parle donc de cette mécanique, Lazare a reçu des mains du Nazaréen la mécanique jéhovique, donc les lois. La mécanique archangélique, la mécanique de l'évolution des troupeaux, des masses. Lazare, en tant que maître du monde, est-il hiérarchisé par rapport à d'autres maîtres qui auraient autorité sur d'autres mondes? Explique. Tu expliques la question ou la réponse? La réponse. OK. Non, Lazare est un personnage qui, présentement, est totalement libéré des contextes galactiques, c'est-à-dire que c'est un personnage qui aura la faculté prochainement de résorber son faisceau, donc il échappera aux mécaniques évolutionnaires et involutionnaires qu'on retrouve à l'échelle des galaxies, des univers, des super-univers et de la création. Par contre, il y a... On va revenir la semaine prochaine beaucoup plus amplement sur cette mécanique, sur le rôle fondamental qu'a joué l'homme et les rôles qu'auront à jouer Shambhala et Lagartha là-dedans. Parce que si on résume juste comme ça, souvent en une conférence régulière, c'est comme donner trop d'informations en si peu de mots, assez qu'on n'a pas, on ne sait pas trop quoi faire avec l'information. Parce que le rôle de l'homme n'a pas été créé pour être sauvé. Il n'y a rien de plus ridicule que de créer une affaire tout croche dans l'espoir de pouvoir le réparer. L'homme a un rôle fondamental à jouer qui est un rôle de résorption, d'ailleurs, de la création, qui est un rôle de réparation d'un accident. L'homme n'est pas accidentel, il est intentionnel. Par contre, le reste de la création, lui, par contre, est un peu plus accidentel. Lorsque nous parlons, donc, même l'humain, l'homme est assujetti présentement à des mécaniques jéhoviques, des mécaniques qui font partie des hiérarchies créatrices. C'est le terme ésotérique qui est souvent employé. L'homme est assujetti aux hiérarchies créatrices. Pourquoi? Parce que les hiérarchies créatrices ont comme fonction de créer des mondes, de créer des mécaniques planétaires, des mécaniques atomiques, des mécaniques donc qui seront moléculaires par la suite, capables de recevoir de l'intelligence. L'intelligence est ce qui va régir les hiérarchies créatrices. Sauf qu'une hiérarchie de l'intelligence, si elle se refroidit trop, elle devient une hiérarchie créatrice, donc elle ne peut pas être l'intelligence qui va habiter le corps par la suite. Lorsque l'être humain va arriver au contact avec le plan supramental, il va rapidement développer un contact avec un autre plan, qui est le plan qu'on appelle bouddhique, mais qui est le plan en réalité de l'amour gratuit, et il développera par la suite un contact avec le plan de l'intentionnalité, qu'on appelle souvent le plan divin. Mais ça n'a rien à voir avec les dieux planétaires. Et donc, l'être humain, l'homme, la femme, l'enfant, qui vont avoir un contact avec leur propre conscience, donc pourront se centrer dans leur intelligence et non pas être centrés dans une intelligence de groupe, ces personnages-là ne seront plus soumis aux phénomènes, aux hiérarchies cosmiques, mais vont assujettir les hiérarchies cosmiques. Mais on pourra revenir un petit peu. Lazare est-il le commencement par le bas d'une hiérarchie toujours plus vaste? Ah, c'est intéressant. Non plus. Lazare, c'est un accident. Quand le Nazaréen s'est pointé ici, quand je parle de Nazaréen, je parle du personnage ésotérique mystique. Il se faisait appeler lui-même soit maître, soit le Nazaréen, dépendant des individus qui s'approchaient de lui. Il a rencontré plusieurs personnages. Premièrement, il a été chercher des individus reliés à 12 faisceaux. À l'époque, il y avait 14 faisceaux. Il y avait 15 faisceaux, mais disons, il y en avait 14. Lui, il s'occupait de 14 faisceaux. Le sien et 13 autres. Alors, il a commencé par aller rencontrer des individus. Il a buté à la pêche. Il a mené des individus qui étaient reliés à des faisceaux différents. Donc, il a pris des personnages qui pouvaient même se détester entre eux, se haïr, se battre, et qui étaient reliés à des faisceaux différents. Donc, ces personnages-là n'étaient pas frères et sœurs en esprit. Ils étaient reliés à des faisceaux espritiques différents. Il les a menés avec lui. Il a rencontré des femmes aussi. Il y avait des femmes qui étaient extrêmement intéressantes. Et on n'en parle pas parce qu'à l'époque, on ne fait pas parler des femmes. La femme, c'était... En tout cas. Et donc, les évangiles, dont le premier a été écrit, il est apparu 93 ans après la disparition du Nazaréen, ne parlent pas nécessairement des femmes. Enfin, il en parle un petit peu, mais vraiment pas trop. Et il a donc rencontré des femmes aussi. Et il avait un de ses amis, entre autres, et c'est un ami. Le Nazaréen avait un ami. Dans la Bible, on parle aussi d'un ami. C'est un de tes amis, pas un disciple, un ami. Et c'est ce que je dis souvent, moi. Quand une personne veut être... si une personne veut être un de mes disciples, ça ne me dérange pas, mais qu'il reste à distance. Parce que s'il se met à genoux devant moi, il y aura un coup de pied en plein visage. Et le pire, c'est que si on a des disciples, on ne peut pas avoir d'amis. Parce qu'un disciple ne peut pas être un ami ne peut pas être un disciple, ça ne peut pas marcher ensemble. On peut se reconnaître certaines qualités, c'est intéressant, puis on peut avoir du plaisir et être ami. Il avait un ami, Lazare. Et avec Lazare, qui était relié au 13e faisceau, le Nazaréen est devenu tellement, tellement complice, ils se sont presque, ils ne sont pas fusionnés, mais ils se sont mêlés par symbiose, ils se sont imprégnés l'un l'autre au niveau des faisceaux. Et cela a fait en sorte que le 13e faisceau n'était pas prêt à vivre des choses, mais le Nazaréen a fini par accepter une demande de son ami, Lazare, de gagner le monde de la mort, de rentrer dans le ciel avec de la conscience. Aller au ciel avec de la conscience, on appelle cela une descente aux enfers. Parce que quand on voit comment c'est, avec de la conscience, bon, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'anesthésier, c'est très beau. Lorsque Lazare a vécu sa descente, donc sa pénétration aux enfers, et le corps physique en est presque mort, lorsque les personnes sont venues lui dire au Nazaréen, ton ami est malade, t'es en train de mourir, viens le guérir, le Nazaréen n'y a pas été, il est allé manger au restaurant. Alors qu'il allait guérir tous ceux qui ont... Bon, mais son ami, non. Quand il se pointe après, on lui dit « Ah, il est trop tard, il est mort, fait trois jours, il sent déjà, oublie ça. » Il leur a dit « Il est mort, il est pas mort, il dort. » Parce que le Nazaréen fait la nuance qu'il faut faire aussi, c'est que quand le corps physique meurt, l'âme va gagner le monde morantiel, le plan vital, et elle n'est pas morte. Si l'être humain a un double éthérique, elle gagne un double éthérique et elle se réincarnera se rappelant ce qu'elle était. Parce que l'âme gagne le monde de la mort et est dissoute dans le monde de la mort, là, elle meurt. Lazare est dans le monde de la mort avec de la conscience. Mais le corps physique n'est pas suffisamment évolué, il n'y a pas suffisamment de lumière dans le corps physique pour servir de phare à Lazare. Alors le Nazaréen va se pointer près du tombeau et là, il va simplement appeler Lazare. Bon, Lazare va revenir, il va se remettre en fonction, va se remettre de son initiation. Et par la suite, le Nazaréen va léguer à Lazare, qui n'est pas suffisamment prêt pour se résorber, toute l'évolution de la race aryenne, c'est-à-dire l'évolution de la race engendrée par la cinquième sous-race de la race atlantéenne, la race sémite, qui va amener la race aryenne des Indes, qui le peuple juif évidemment et tout le reste, donc la race qui présentement évolue sur le plan planétaire, et le Nazaréen va donc donner les clés planétaires à Lazare, donc les clés de Satan. Il a rencontré la mécanique satanéenne dans le désert, il a rencontré la mécanique luciférienne chez l'homme, et il va lui remettre les clés. À Pierre, il va lui remettre la mécanique du camouflage. L'Église est un filet. Lorsque Maitreya sera le maître du monde... Pas longtemps. Lazare sera dissipé. Qui perce ou le plan planétaire... Est-ce à ce moment... Il n'est pas juste pour toi. Est-ce à ce moment le monde des morts se dissoudra? Oui. Ça va commencer là. Parce que quand Lazare va se résorber, c'est qu'il y aura suffisamment d'individus, suffisamment solides dans leur conscience pour être capable de remplacer temporairement la mécanique lazaréenne. Alors effectivement, le monde de la mort va commencer à se résorber à ce moment-là. Est-ce que ce sera le début de l'Apocalypse? Ce sera le début de l'apothéose. Ah, peut-être qu'il y aura un apocalypse avant, alors. Mais l'humain voit toujours juste l'apocalypse, mais ce sera le début de l'apothéose. De toute façon, sachez une chose, c'est qu'il y aura un apocalypse. Moi, j'appelle ça l'apocalypse des autres, parce que tous les humains ne seront pas soumis à l'apocalypse. Mais la majorité. Parce que c'est ce qu'il leur faut pour parvenir à développer un ajusteur de pensée, c'est ce qu'il leur faut pour parvenir à comprendre qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs que dans la tradition, ailleurs que dans la spiritualité astrale et ailleurs que dans la matière. Alors que tout ça doit être réuni ensemble pour aller plus haut. Et ils auront besoin de rencontrer l'ultime échec. La majorité, pas tous. Présentement, ceux qui se conscientisent sont régis par l'hasard et doivent devenir leur seul maître. Ce maître a-t-il un rapport avec l'énergie du dragon? Si oui, pourquoi, Suzanne? L'énergie du dragon, c'est l'énergie qui est contenue dans la tombe. Bon, c'est l'énergie que Merlin se servait pour travailler à l'époque, il y a très longtemps, pour créer, en l'occurrence, Excalibur et créer d'autres mécaniques comme l'Arche d'Alliance. C'est l'énergie qui s'est servie aussi pour que Uther puisse, à un moment donné, faire des choses et pour qu'Arthur puisse, par la suite, diriger certains phénomènes. L'énergie supramentale, c'est de l'énergie qui est au-delà du dragon, donc au-delà de l'énergie atomique, sauf qu'elle va nécessairement permettre la création d'un corps atomique. L'homme nouveau, la femme nouvelle, aura des mutations au niveau du système atomique, ce qui va engendrer des mutations dans son corps physique, mutations qui ne seront pas vérifiables chimiquement. Elles seraient vérifiables atomiquement. Autrement dit, tu prends un être humain ordinaire, tu l'écrases au complet, tu le compactes, et à un point tel qu'il finit par être suffisamment compacté pour éclater en explosion nucléaire. Puis tu fais la même chose avec un homme nouveau, tu vas avoir une explosion plus grosse. Donc, énergétiquement, il va y avoir une différence au niveau atomique, mais pas au niveau de l'atome constituant, mais au niveau de ce qui constitue l'atome. Alors, Maitreya sera bon ici, bon, on va devenir seul maître du monde. Y a-t-il un rapport entre l'énergie du dragon, si oui? Quand on parle, Lazare ne dirige pas l'évolution de ceux qui vont se conscientiser vers l'intelligence supramentale. Lazare a dirigé surtout l'évolution de ceux qui sont parvenus à l'évolution vers la mentalisation. Lazare est le régent des forces mentales, astrales, vitales et matérielles, planétaires. Il ne touche pas au contexte supramental, qui est un contexte christique, un contexte qui est autre, qui est supérieur à ce que Lazare peut faire. Lui a digéré cette mécanique, mais il ne la gère pas. Donc, l'individu qui se conscientise, qui à un moment donné parvient à une conscience supramentale, est régi uniquement par lui. Et c'est ce qui fait peur à la majorité de ceux qui vont faire mon séminaire, ou qui fait peur à la majorité des individus qui, sans faire le séminaire, à un moment donné, arrivent à une conscientisation telle qu'à un moment donné, tout ce qui est traditionnel ne leur fait plus. C'est comme si on leur ôtait toutes leurs béquilles, on leur ôtait leur chaise roulante, on leur ôtait tout complet, et ils se retrouvaient en plus, on leur a même ôté le plancher, ils se retrouvent au-dessus d'un vide. Ils ne peuvent fonctionner qu'à partir d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi, c'est très important, quand un individu en arrive là, qu'il passe dans la sixième race mère, c'est-à-dire qu'il passe dans la race de ceux qui vont appliquer leur conscience. Tout le reste n'aura pas d'importance. Par exemple, vous travaillez quelque part, tout le monde mange toujours des choses qui ne sont pas extraordinairement bonnes pour la santé, santé physique, santé vitale et même santé psychologique. Vous avez pas lu des livres, vous avez une conscientisation subitement que telle affaire, là, c'est dégueulasse manger ça. Bon, exactement comme tu mangerais du poulet, un exemple que je donne, puis subitement tu te rends compte que, mais c'est de la viande autour des bâtons, ça, c'est. Mais là, t'as plus la même, tout le monde va dire, oui, c'est évident, c'est même pratique pour manger. Mais là, on n'a plus la même saveur énergétique. Celui qui applique, au lieu de commencer à lutter puis à souffrir de sa conscience, il mange plus. Bon. Alors, c'est important que l'humain en arrive là. Pourquoi? Parce que Lazare dirige l'évolution des masses. Il ne dirige pas l'évolution des individus seuls, qui se libèrent de la spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'ils rejettent la spiritualité. Ça veut dire qu'ils sont au-delà de la spiritualité, qui elle a pour fonction d'amener l'homme ou la femme ou l'enfant là où justement celui qui se conscientise se trouve. Alors, à un moment donné, l'individu qui grimpe progressivement doit appliquer. Celui qui applique nécessairement verra des choses comme les religions en ont toujours parlé. Assez que les religions ont toujours vanté le mérite, alors que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau évoluera sans mérite, il ne recherchera pas l'évolution méritoire, donc il n'essaiera pas de se casser toujours la vie de façon à mériter son paradis, il n'aura pas besoin. Et en plus, les religions parlent toujours des martyrs quand même, mais qu'est-ce que c'est qu'un martyr? C'est un individu qui, selon les yeux des observateurs, a grandement souffert. Et ça ne veut pas dire que celui qui va vers la conscience souffre. Alors, à un moment donné, vous êtes dans l'évolution et puis on fait brûler votre maison. Disons qu'une récupération astrale qui veut vous occuper. Alors, quand la maison brûle, vous ne pouvez pas l'éteindre, les pompiers sont en grève ou je ne sais pas trop quoi. Votre assureur avait oublié de signer la formule et il ne vous reste plus rien. Et celui qui se conscientise, il trouve ça drôle. Il dit, Christy, l'ami, on essaye de m'avoir. Et puis, il continue son chemin. Il fait quoi? Il suit le bien-être pendant 3 ans. Après ça, il se trouve un emploi. Après ça, et puis, il se lance en affaires. Il fait faillite. Et puis, il continue. Mais quand vous le rencontrez chaque fois, il est toujours plus puissant. Il est toujours en avance. Oui, mais l'intelligence, c'est pas supposé te rendre riche? Oui, mais l'intelligence, quand on a assez d'intelligence pour être riche, on devient riche, mais il faut avoir le temps. Mais je suis suffisamment intelligent pour pas m'être occupé de tous les problèmes que j'aurais pas pu régler. Les individus qui le regardent vont dire, tu sais, il souffre en tabarnouche. Ah, il le cache, tu sais, mais... il ne souffre pas, il ne le cache pas, il ne souffre pas. Il n'a pas peur, il ne contrôle pas sa peur. Alors, il n'est pas courageux. Non, il n'est pas courageux. Il n'a pas de mérite. Il n'est pas méritoire. À un moment donné, sa femme ou son mari décide de le laisser là. Mais le laisse là. C'est chien en maudit. C'est typique de l'évolution planétaire actuelle. Les maîtres du monde ont structuré ce genre de mécanique. Lazare aussi, hélas. Et d'autres phénomènes. C'est typique. C'est chien. On pourrait faire mieux? Peut-être. Peut-être pas. Une chose certaine, c'est comme ça. Mais l'individu peut continuer. Puis, à un moment donné, c'est comme si toi, t'as tout perdu. Mais, tu sais, spirituellement, c'est dangereux. La personne peut dire, « Ouais, j'ai tout perdu, mais j'ai gagné. » Ils ont tous dit ça, ceux qui, à un moment donné, se sont fait ramasser d'insectes. Ouais. Il y en a qui ont eu raison aussi. Il y en a qui ont eu tort. Bon. Il y en a qui ont plein de matière. Ils sont extrêmement malheureux. Puis quand ils meurent, ils s'accrochent à le droit, ils veulent pas s'en aller. Alors, la matière a donné les mêmes problèmes. Il y en a qui ont dit, « Oui, mais regarde, moi, j'ai tout. » »« Ouais, t'as tout. Correct. T'as mouru quand même. » Finalement, d'un bord ou de l'autre, ça change rien. Les observateurs auront toujours l'impression que vous êtes fait avoir, puis que vous avez énormément souffert. Ça dépend de l'individu. Tu sais, Jésus a souffert énormément. Jésus n'a pas souffert du tout. Ah, le Christ? Ah, non plus. Ben, Jésus-Christ? Absolument pas. Il s'est amusé comme un bon. Ben, voyons donc. Oui, ceux qui l'ont regardé ont souffert. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Tu sais, il trimballe sa croix tout seul. Il y a un gars qui vient l'aider. La croix était bien pesante. Ben oui, il l'a mis pesante pour le cave en arrière qui a mis l'aider. Il a fait le bec sur pesant. Il n'a pas fallu qu'il sache que ça ne pesait rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne pas comme ça. Souvent, on se plaint, on parle de Dieu, on parle de l'intelligence, ces choses-là, mais le père du Nazaréen ne l'a pas abandonné. Il est mort sur la croix. Il fallait bien qu'il laisse le corps du Nazaréen, de Jésus là-dessus, parce qu'il avait trop d'égo, pour lui se libérer totalement, pour s'en aller. Mais ce qui est arrivé à Jésus par la suite est absolument sans problème. Sauf que l'humain, l'observateur, ne comprend pas. L'observateur ne comprend jamais. Parce que l'observateur observe. Alors que l'autre, il vit. On peut pas comprendre. Et pour les 3 fois qu'il est tombé? Ah! Oh. C'est relevé 3 fois. Est-il tombé ou si on a décidé qu'il était tombé? Pour le rendre humain. Parce qu'il y a énormément d'histoires, je reviens encore. La première évangile était sortie 93 ans après la mort du Nazaréen. Alors, on avait probablement oublié plein de choses. On a voulu le rendre très humain. C'était inutile. Et c'était Jésus. Il était humain. On va dire la colère qu'il a fait dans le temple, c'est la preuve qu'il était humain. Non, c'est une colère mentale, ça n'a rien à voir. On voudra le rendre extrêmement humain parce qu'on a toujours, l'humain, l'observateur, a toujours eu peur de Dieu ou des intelligences. Alors, on voudra toujours le rendre un peu ceci, un peu cela. C'est acceptable. Si on regarde, par exemple, il y a un des films qui se rapproche assez de la véracité de ce qui s'est vécu, mais il y a encore des lacunes dedans, c'est La dernière tentation du Christ. Bon, voilà des années, je dis que Judas était le plus puissant des apôtres, que Pierre était une lavette. Dans ce film-là, c'est la première fois qu'on voit que Pierre est vraiment faible, et alors que Judas est là pour le surveiller tout le temps, c'est Judas qui va le protéger, c'est Judas qui va le forcer à continuer. Le Nazaréen est-il si humain? Ah, peut-être que oui, peut-être que non. Une tentation à la fin, de toute façon, avec Marie-Madeleine, ils ont fait plusieurs choses. Et on va dire, oui, mais, qu'est-ce qu'il y a? Un des commandements de Dieu, c'était pas « croissez et multipliez-vous ». C'est quoi l'intelligence de pas léguer de la génétique sur la planète? Il y a des choses intéressantes là-dedans. Alors, on voulait le faire humain, il était extrêmement humain déjà, et puis pas parce qu'un être humain, un être divin fait des choses humaines que nécessairement est dans le péché. Tomber 3 fois, c'est le chiffre parfait. Mais il n'est pas tombé 3 fois. c'est pas nécessaire. Comme 40 jours dans le désert, 40 jours du déluge. La Trinité, les trois, tu sais, il y a des chiffres comme ça, mais non, c'est parce qu'on veut, on place kabbalistiquement de l'information pour que les ésotérismes puissent, à un moment donné, décoder les nombres et comprendre des choses. On pourra en parler longtemps de ces trois-là ou de tous les chiffres qui sont inhérents au phénomène biblique. Explique le rapport étroit entre l'organisation psychique de la vie planétaire et les forces astrales émanant de plans dont la fonction est de maintenir à tout prix l'homme dans l'ignorance. Bon. L'organisation psychique de la vie planétaire, probablement, qu'est-ce que c'est? L'organisation psychique, la psyché, faut l'interpréter d'une façon très vaste. On ne peut pas l'interpréter uniquement au niveau de ce que la psychologie va en faire. La psychologie, c'est la relation entre les désirs, les mémoires et l'émotion dans l'âme. La psyché, c'est un terme qui peut facilement être le synonyme du monde astral de l'humain. La gestion psychique de l'humain est une gestion qui amène l'humain à développer de l'intellect, à développer du mental pour arriver à une centricité dans une forme d'intelligence qui est une intelligence active, une intelligence qui n'est pas reliée à la mécanique des mémoires. L'intelligence qui ne dépend pas de ce que vous avez appris. Ça, c'est de l'intellectuance, de l'intelligence passive. Il y a... Bon, c'est une grosse question. On va répondre quand même rapidement. Il y a la Terre, il y a une immense couche autour de la planète Terre qui est la couche du monde astral, le monde de la mort, dans lequel est mémorisée l'akasha planétaire, donc la mémoire événementielle, la mémoire de l'événement, et dans laquelle se trouve aussi mémorisée la mémoire émotive que les humains ont créée lorsqu'ils ont vécu les événements, végétaux et animaux aussi. Cette enveloppe-là, elle a été fortement astralisée par le comte de Saint-Germain-Lazare lorsqu'il est apparu en Europe. Il a inventé le maquillage, il a inventé le teinture pour les dames, les cheveux, etc. Il a inventé plusieurs phénomènes du genre pour que la femme émotive et astralise énormément le monde de la mort de façon à rendre plus opaque le monde de la mort pour que tes phénomènes extérieurs, phénomènes extraterrestres, qui sont en majorité tous en voie d'évolution et qui sont à la recherche de corps physiques en voie d'évolution, ne puissent pas voir l'évolution sur le plan planétaire. Il y a donc des mécaniques extraterrestres qui ont pénétré le monde de la mort et qui ont vu la souffrance dans le monde de la mort et qui sont repartis en se disant « c'est pas là que ça se passe ». D'autres sont arrivés jusqu'à l'homme, ont contacté l'homme, ils ne peuvent pas rester longtemps sous le contexte planétaire parce qu'ils sont dégradés, et eux sont repartis. Maintenant, il y a une forme de gestion, une espèce de contrat qui est passé entre différentes mécaniques intra et extraterrestres pour que l'humanité n'évolue pas trop rapidement, de façon à ce qu'on puisse trouver la façon d'associer la génétique humaine à la génétique éthérique des êtres extraterrestres et la génétique matérielle des êtres extraterrestres pour voler la génétique de l'humain. C'est pourquoi on a souvent parlé dans les mécaniques, dans les interventions extraterrestres, les vaches, par exemple, qu'on leur arrache le cœur, le foie, les parties génitales. Bon, il y a des expériences génétiques qui se font sans arrêt. Il y a des femmes qui ont été mises enceintes et on va leur voler leur fœtus par la suite. Bon, il y a plusieurs choses qui sont passées, surtout en Union soviétique, en Europe, dans le contexte nord-planétaire, là où l'humain est le plus avancé. Alors, il y a donc une espèce de manipulation, de coalition qui essaie de faire en sorte que l'humain n'évolue pas trop. Par contre, pour plusieurs raisons, dans les cycles, par exemple, le Soleil présente de notre galaxie est dans une région où il y a moins de poussière cosmique. Alors, du centre de la galaxie, il y a plus d'énergie qui traverse, qui réchauffe un peu la génétique humaine, ce qui permet à l'humain d'entrer un peu plus en contact, de digérer l'information supramentale. On va revenir un peu là-dessus. On va parler surtout la semaine prochaine, donc, de Shambhala, de Lagartha, du rôle de l'humain et du rôle québécois et planétaire de l'incidence agartienne et shambhalaïenne sur ce qu'on va faire, nous, et de quelle façon, nous, on peut en tirer un bénéfice énergétique ou de quelle façon on peut, du moins, ne pas en perdre trop d'énergie. Une petite question. Oui. Lorsqu'ils envoient, par exemple, une navette spatiale, les cosmonautes, ils se trouvent à sortir de l'influence de l'astral? Non, pourquoi? Parce que toute la matière planétaire, elle est constitutrice de la navette spatiale. S'il y resterait extrêmement longtemps, et si, lentement, ça s'oublierait. Il ne reste pas encore suffisamment longtemps, il faudrait des années, pour que la matière planétaire soit totalement anéantie. Alors là, l'humain perdrait son astralité, il y aurait de gros problèmes. Okay. Oui. Alors, bonne semaine, amusez-vous, souriez. Vous êtes aux insolences du monde astral, je le répète.